C'est ok, Momo, Starty, 62. Notre histoire, on vous la raconte, car on estime que ce n'est pas un conte, mais c'est pour les gens auxquels notre histoire compte. Nos histoires, pas honte de les raconter, car elles sont ancrées dans nos pensées. Ça fait partie de nos vies privées, Momo et Starty viennent de l'expliquer. Nos histoires, pas honte de les raconter, car elles sont ancrées dans nos pensées. Ça fait partie de nos vies privées, Momo et Starty viennent de l'expliquer. Depuis tout petit, mon rêve était la musique. J'ai la chance d'enregistrer chez Alienic. À l'âge de 9 ans, j'écrivais dans ma chambre sans trop rien raconter. J'inventais, mes histoires n'étaient pas vraies. Mais au fil du temps, je me suis amélioré. Je m'entraînais chaque fois que j'avais le temps. Maintenant, c'est tout le temps. La feuille, mon stylo, c'est ma drogue. Des économies en arrêtant le bédo. Tu sais, rapper, ça permet de t'exprimer, de vider tes pensées. Je viens de te prouver qu'il existait un autre moyen de te vider la 2D sans fumer. Tu sais qu'il ne faut pas penser qu'au problème que tu vas subir. Faut réfléchir à ton avenir, comment tu vas le construire. Moi j'ai pensé, c'est en écrivant des couplets que j'y arriverai. Starty et Momo viennent t'expliquer les histoires qui se sont passées dans leur vie privée, en ayant le 5-9 et le 6-2 à leurs pieds. Depuis qu'on est chaud, le terre-terre, le micro, c'est tout ce qu'on a pu faire. Tu sais Momo, je ne te connais pas assez pour te juger. Les lyrics que tu places dans tes sous-refrains me font croire que t'es un type osé. Nos histoires, pas honte de les raconter, car elles sont ancrées dans nos pensées. Ça fait partie de nos vies privées, Momo et Starty viennent te l'expliquer. Nos histoires, pas honte de les raconter, car elles sont ancrées dans nos pensées. Ça fait partie de nos vies privées, Momo et Starty viennent te l'expliquer. Y'a pas à dire, je suis un découvreur de talent. Je veux le titre, Momo, Starty, c'est les kings. Un conseil petit, reste cool. Je suis parti de la old school pour tous les bâtards qui ont pas cru à la victoire. Y'en Momo, y'en Starty, je vais vous tuer en solo. Crie-le, le rap français, la parole d'homme. Déchire pour des putains d'albums. Si t'as pas pisté, que 62 c'est ma zone. Je présente l'incognito, Starty au micro. On a pris Boulogne sur mer en otage à la police, je dis ta mère. On n'a pas une minute à perdre, prévenez le rap. Starty et moi, on va tout déblayer. Je rappe si vite que je commence à bégayer. Rien à foutre des vrais jugés. Je reste Momo l'incognito, personne peut me changer. Si tu veux tester, au mic ça cogne. Il fait plus le double, les fois MC je cartonne. Ça fait trop longtemps que j'attends de briller. Je suis indépendant, 100% censuré. J'ai un empire à bâtir, des ennemis à maudire, des nuls à aplatir. Tu peux que m'applaudir, on m'a dit Momo, tu fais peur comme Jacques l'éventreur. Oh MIC, je suis un putain de tueur. Ici y'a pas de compétition, on marche tous dans la même direction. Starty Momo, ça défouraille poto. Nos histoires, pas honte de les raconter, car elles sont ancrées dans nos pensées. Ça fait partie de nos vies privées, Momo et Starty viennent te l'expliquer. Nos histoires, pas honte de les raconter, car elles sont ancrées dans nos pensées. Ça fait partie de nos vies privées, Momo et Starty viennent te l'expliquer. Tu sais le peura, c'est toute ma vie. C'est la rue qui m'a instruit, elle m'a tout appris. Elle m'a endurci, elle a fait de moi Starty. Un type qui aujourd'hui a grandi. Le daron s'est barré il y a quelques années, je l'avais retrouvé. Mais aujourd'hui de sa ville m'a rayé. Le rayon de soleil qui m'a éclairé, il s'est représenté grâce à mon bébé. Je voulais te remercier. Sur une simple feuille de papier, j'écris mon passé, mon vécu qui à l'époque était assez dur. Non, je n'ai pas côtoyé les armes et les potes qui partent en sonde par le hasard. Tu sais, avant, j'oubliais mes soucis en déclarant le bazar. Aujourd'hui, j'ai ouvert les yeux, c'est ma femme qui me rend si heureux. Grâce à elle, j'ai retrouvé le sourire. Elle m'a fait oublier le pire et la force de vivre.